Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. Les sénateurs se sont emparés depuis la semaine dernière du projet de loi de révision de la bioéthique qu'ils doivent examiner jusqu'au 4 février. Dans ce texte, outre les articles très discutés dans les médias autour de la procréation médicalement assistée, de nombreux autres points concernent directement les chercheurs et la recherche fondamentale autour du vivant. D'autant qu'en la matière, les progrès vont vite et parfois en flirtant avec les cadres légaux et éthiques. Alors jusqu'où pousser la recherche sur les embryons chimériques? Quelles limites aux xénogreffes? Quid des cellules souches embryonnaires ou des bébés OGM? Nous ouvrons le débat avec l'une des plus grandes généticiennes françaises, Nicole Ledoirat. Repousser les limites du vivant, c'est le programme éthique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nous profitons aujourd'hui du fait que la nuit des idées se déroule donc ce soir, même si elle a commencé un peu partout dans le monde, déjà en fonction des créneaux horaires, et elle s'organise cette année autour de cette thématique être vivant, pour nous interroger donc nous autour et bien des limites de ce vivant en compagnie. Et nous sommes très fiers et très heureux de la recevoir à ce micro de Nicole Ledoirat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure honoraire au Collège de France, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences et pionnière en matière d'embryologie. On reviendra évidemment sur vos travaux en la matière. Vous avez publié récemment Les secrets de la vie au CNRS édition. Et pour débattre avec vous, nous sommes également ravis d'accueillir Catherine Bourguin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en génétique humaine et en sociologie des sciences, directrice du Centre de recherche médecine, sciences, santé, société de l'École des hautes études en sciences sociales et membre du comité d'éthique de l'INSERM. Voilà, mais avant d'ouvrir ce débat qui s'annonce d'ores et déjà passionnant, on commence par faire le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et dans ce journal, il va être question d'albatros pour traquer la pêche illégale. Et la pêche sauvage est un fléau pour la biodiversité marine, mais cela est très difficile de mesurer son ampleur. Une équipe française a eu l'idée d'utiliser des albatros pour recenser les bateaux de pêche illégaux. Mieux que des drones, les albatros sont capables de voler sur de très longues distances. Et on le sait bien avant Baudelaire, ils adorent suivre les bateaux et surtout les bateaux de pêche. Pendant 6 mois, 170 oiseaux ont été équipés de balises et cela a permis de couvrir plus de 47 millions de kilomètres carrés de l'océan austral. Leur résultat vient de paraître dans la revue PNS. C'est une première évaluation, mais plus d'un tiers des bateaux détectés par les oiseaux n'étaient pas déclarés. Henri Wemmerskirch est chercheur CNRS à l'Université de La Rochelle. Il a dirigé le programme Océan Sentinelle. Ce qu'on voulait, en fait, c'est être capable d'avoir un appareil qui détectait la présence d'un bateau à proximité d'un oiseau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec une compagnie néo-zélandaise des logueurs qui incluent donc ce détecteur de radar. Donc c'est un petit détecteur qui détecte les émissions radar jusqu'à 5 km de l'appareil. Et ensuite, on a combiné un GPS qui nous permet d'avoir une localisation très précise et également une balise Argos qui permet de renvoyer immédiatement les informations par satellite. À partir du moment où un bateau est détecté par un albatros, on a l'information, nous, sur notre ordinateur, soit au CNRS, et également cette information est disponible aux autorités, notamment à l'administration des terres australes, et également au CROSS, qui surveille le déplacement de tous les bateaux dans le secteur de l'océan Indien, par exemple. Normalement, n'importe quel bateau en haute mer ou à proximité des côtes, a fortiori, doit être équipé d'un système AIS, donc un système d'identification. Et donc les bateaux évidemment de pêche illégale, eux, évidemment, ils coupent leur AIS. Ce qu'on fait, c'est qu'on compare les signaux AIS, les réceptions AIS, donc par satellite, et nos localisations avec nos albatros, on compare les deux. Et même dans le milieu océanique, c'est-à-dire en pleine mer, en dehors des zones économiques, on a jusqu'à 36% exactement de bateaux qui ont coupé leur AIS. Et on passe au bref. La revue Science Translational Medicine décrit une nouvelle méthode pour régénérer les nerfs endommagés. Une méthode qui permet de faire repousser les nerfs sectionnés sur près de 1 cm. C'est encore expérimental, mais c'est ce que vient de prouver une équipe américaine. Ils ont travaillé à partir de segments nerveux d'avant-bras de singe. Ils ont implanté aux extrémités des tubes en polymère emplis d'une protéine qui favorise la croissance. Il a fallu 1 an pour que le nerf repousse. Les singes ont ensuite récupéré leurs fonctions motrices. Des essais cliniques devraient rapidement être mis en place. La revue Physical Review fait la description de 53 géoneutrinos. Les géoneutrinos, ce sont des particules extrêmement difficiles à détecter parce qu'elles interagissent très faiblement avec la matière. Chaque seconde, environ 6 millions de géoneutrinos pénètrent chaque centimètre carré de la surface de notre planète. Et entre 2007 et 2019, le détecteur Borexino, enterré en Italie, a détecté 53 géoneutrinos. Ce qu'il y a d'important, c'est que ces détections permettent de mieux comprendre les processus radioactifs dans le manteau terrestre. Grâce à ces résultats, on peut dire que les processus de désintégration radioactive à l'intérieur de la Terre génèrent plus de la moitié de la chaleur interne de la planète. Et enfin, la mission du télescope spatial Spitzer prend fin aujourd'hui. Lancé en 2003 par la NASA, Spitzer a été l'un des premiers télescopes en orbite et surtout l'un des télescopes infrarouges le plus sensible de l'histoire. On lui doit des milliers de découvertes et d'observations qui ont nourri plus de 8700 études scientifiques. La découverte d'un nouvel anneau de la planète Saturne, c'est lui. La détection des galaxies les plus lointaines de notre univers, c'est aussi lui. La première détection de lumière d'exoplanète, c'est encore lui. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain depuis les Vosges puisque vous serez avec nous en direct du festival de Gérardmer pour un journal des sciences spécial et évidemment avec bien toute une partie journal de la science-fiction. Être vivant, qu'est-ce que c'est? C'est outre le fait que ce soit le thème retenu cette année par la Nuit des idées qui se déroule aujourd'hui et évidemment ce soir sur notre fuseau horaire, c'est un condensé des questions que se posent les sénateurs depuis la semaine dernière. La Chambre haute s'est saisie du projet de loi de révision de la bioéthique après un vote de l'Assemblée nationale en fin d'année dernière et après que la commission spéciale du Sénat a adopté le texte, non sans lui avoir fait subir quelques modifications. Le Sénat a donc jusqu'au 4 février pour réfléchir à de nombreux sujets liés à la bioéthique qui dépassent largement le seul sujet médiatique de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Cellules souches, recherche sur l'embryon, génomique, biologie du développement, autant de sujets que nous avons voulu soumettre à l'une des pionnières de la recherche en embryologie en France, Nicole Ledouarin, ainsi qu'à Catherine Bourguin, membre du comité d'éthique de l'INSERM. Et pour commencer, mesdames, je vous propose d'écouter la voix d'Étienne Wolff, célèbre embryologiste, spécialiste de chimérisme et de tératologie expérimentale, qui répond à cette question centrale. Pourquoi et jusqu'où trafiquer le vivant? Nous sommes en 1957. On me demande souvent pourquoi nous faisons des monstres dans mon laboratoire. La question est bien simple. C'est parce que nous voulons résoudre des problèmes théoriques, problèmes qui concernent les mécanismes du développement, en particulier les mécanismes du développement initial des embryons de tous les vertébrés et éventuellement de l'homme. C'est en faussant certains rouages d'un mécanisme qui est monté à l'avance que l'on arrive à comprendre comment se font certains processus du développement. Par exemple, il est possible d'obtenir dans les conditions actuelles de nos expériences d'une manière tout à fait certaine, tout à fait constante, des monstruosités aussi curieuses que les cyclopes, que les sirènes, étant entendu que les sirènes sont des monstres qui ont deux membres soudés en arrière du corps et qui en imposent un petit peu pour ces monstres mythologiques que sont les sirènes. Alors, on peut se demander pour quelles raisons nous faisons de tels monstres. Ce n'est pas par pure et simple curiosité, c'est par curiosité scientifique, bien entendu, c'est parce que nous voyons se dérouler des processus qui normalement n'ont pas lieu, mais qui nous éclairent sur certaines possibilités qu'ont des ébauches lorsque on les met dans des conditions tout à fait anormales. Voilà Étienne Wolff dans l'émission Les grandes découvertes du XXe siècle, c'était sur la radiodiffusion française en 1957. Nicole Ledouarin, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'entendre Étienne Wolff avec sa voix si persuasive. C'était mon patron et je lui dois beaucoup. C'est grâce à lui que je me suis intéressée et que j'ai fait ma carrière dans la biologie du développement, qu'on appelait embryologie, qu'on appelle toujours embryologie, mais qui est une partie de la science biologique absolument passionnante. Et à cette explication de finalement, ou à cette réponse d'une accusation en tératologie, c'est-à-dire le fait de pourquoi est-ce qu'on manipule le vivant, pourquoi est-ce qu'on crée des monstres, pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer des monstres, il vous semblait que les arguments avancés par Étienne Wolff sont encore contemporains aujourd'hui ? Absolument, c'est une question qui est éternelle. C'est-à-dire que pour comprendre les mécanismes du développement qui s'accomplit étape par étape, il faut les dérégler. Il faut essayer de voir ce qui se passe quand telle et telle étape ne se produit pas. Et on comprend alors à quoi elle sert. C'est tout à fait évident que... D'ailleurs, il n'y a pas que l'embryologie qui procède de cette façon. Vous savez, c'est toute la biologie, toutes les sciences expérimentales. Elles sont dites expérimentales parce que justement, elles interviennent sur les phénomènes naturels pour essayer de comprendre comment et pourquoi ils se déroulent. Catherine Bourguin, quand on entend cette archive de 1957 cette réponse à l'accusation de tératologie, d'ailleurs qui n'est pas du tout utilisée avec une acception négative dans la bouche d'Étienne Wolff, on se rend compte qu'évidemment la doxa a changé aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier. A-t-elle changé d'ailleurs ? Comment est-ce que vous les prenez, ces explications d'Étienne Wolff aujourd'hui ? Du point de vue scientifique, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Madame Le Doirin, ça n'a pas changé, on continue à faire dysfonctionner pour comprendre le fonctionnement normal, et la génétique est une science supplémentaire qui s'est beaucoup intéressée au dysfonctionnement chez les humains, aux maladies génétiques. Hein. Donc du point de vue de la recherche scientifique, ce postulat est encore tout à fait d'actualité. Après, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est le rapport à l'expérimentation animale, de façon générale, dans la société. Et de fait, les pratiques scientifiques adoptent de plus en plus des formes de réglementation pour veiller à ne recourir à l'expérimentation animale, en particulier chez les plus grands êtres vivants. Si vous pensez aux primates, mais même aussi aux souris aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas même il y a 20 ans, hein. De réduire donc au maximum l'expérimentation sur des animaux lorsqu'elle est vraiment jugée utile. Alors, évidemment, la question se pose, comment définit-on cette utilité ? Mais l'idée, c'est que s'il y a des alternatives qui peuvent être développées et qui ont une certaine efficacité, alors il vaut mieux privilégier ces alternatives. Je vais renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée l'heure entière à l'expérimentation animale, et effectivement, à un certain nombre de points que vous venez d'évoquer. Nicole Audin, vous vouliez réagir ? C'est-à-dire que c'est une préoccupation qui a été tout à fait évidente pour les biologistes que j'ai connus pendant toute ma carrière. Et une des choses que justement Étienne Wolff avait mises au point, c'était d'étudier un certain nombre de problèmes biologiques en transplantant des ébauches embryonnaires in vitro et en étudiant leur évolution in vitro dans des conditions d'ailleurs intéressantes parce qu'on peut les modifier et on peut par conséquent étudier le rôle de tout un tas de paramètres sur le développement de certains mécanismes in vitro. On va revenir sur la loi de révision de la bioéthique, mais pour commencer, peut-être Nicole Le Doirin, un mot général. On a parlé à ce micro assez souvent des dernières publications, de certaines annonces, parfois en dehors même de publications dans des revues à comité de lecture, d'avancées, ou en tout cas d'expérimentation en biologie du développement. On a parlé il y a peu de temps de la naissance de deux bébés chimères cochons rats. On a parlé il y a plus longtemps de la naissance de deux bébés, de deux jumelles chinoises génétiquement modifiées pour résister au VIH. Et à chaque fois que l'on parle de cela, eh bien, on est toujours effectivement dans des cadres éthiques qui sont un peu à la frontière, un peu à la limite. Ça génère beaucoup de protestations, beaucoup de cris d'orfraie. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'encadrement, justement, de la recherche fondamentale en biologie du développement ? Écoutez, en ce qui concerne les expériences qui touchent au matériel génétique lui-même, je pense qu'il ne faut pas opérer de cette manière sur l'homme. Parce que nous n'avons aucun droit de modifier d'une manière durable le stock génétique de l'homme. Mais évidemment, quand on a affaire à des animaux, des expérimentations de cet ordre sont, à mon avis, sont possibles. Elles sont même importantes parce que tout le développement embryonnaire et toute la vie biologique ensuite, elle dépend des gènes. Par conséquent, on est obligé d'essayer de comprendre comment fonctionne le génome. Et pour comprendre, il faut expérimenter. Mais il ne faut pas faire d'expériences qui risquent d'avoir des répercussions à long terme de cette sorte dans l'espèce humaine. Catherine Bourrien, un mot justement sur ces deux cas particuliers. Alors, sur le cas des bébés chinois génétiquement modifiés, hein, le médecin a été condamné, la pratique a été internationalement condamnée aussi par la communauté scientifique. Aujourd'hui, vous avez plaidé, vous notamment, pour l'instauration d'un cadre éthique international. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est utopique? Il faut déjà rappeler que dans la plupart des pays du monde, les modifications comme celles qui ont été faites en Chine sont interdites. En France, la convention d'Oviedo, modifier génétiquement des embryons pour les implanter, est rigoureusement interdit. Pas aux États-Unis. Alors, pas aux États-Unis, dans le cadre privé, effectivement. Effectivement, il y a des pays, comme je viens de le dire, où c'est possible, mais le cadre normatif dominant est celui d'interdiction. Donc il faut bien avoir ça en tête parce que ce qui est en train de se passer, c'est que à la faveur du développement de nouveaux outils comme les fameux ciseaux CRISPR, comme on les appelle, il y a une prise de parole qui émane de beaucoup de la communauté scientifique et aussi, il faut le dire, d'acteurs marchands intéressés à ces développements pour revenir en arrière sur cette norme dominante d'interdiction et envisager les conditions de possibilité. Il y a eu ça, ça a été une parole publique lors de sommets internationaux en 2015, encore en 2018. Et donc effectivement, j'ai fait partie des personnes qui ont pris la parole pour dire il n'est pas question de revenir sur cette interdiction sans que tous les enjeux associés à ce type d'évolution réglementaire aient été discutés, pesés dans toutes leurs dimensions et pas simplement au regard de certains intérêts scientifiques ou commerciaux qui pourraient pousser à faire évoluer cette réglementation. Nicole Ledouarin, vous croyez-vous à la possibilité d'instaurer une sorte de moratoire international sur les pratiques, notamment d'édition génétique de l'embryon humain? Oui, je pense que oui. Parce que quand on lit, par exemple, dans des revues comme Nature, les suites qui ont été celles des expériences du fameux japonais... Chinois, voilà, sur les deux bébés... des fameux chinois, oui, monsieur I. Eh bien, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui devrait être banni sans qu'il y ait de grande résistance. Je crois qu'il faut que la communauté scientifique et la communauté de tout entière se révoltent contre ce genre de choses, à mon avis. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons aujourd'hui des limites du vivant dans le cadre de cette émission qui s'inscrit dans une programmation spéciale sur l'antenne de France Culture pour la Nuit des Idées, hein, dont le thème cette année est précisément être vivant. Quelles sont les limites du vivant quand on travaille notamment en embryologie, en biologie du développement? Nous en parlons avec Nicole Ledouarin et Catherine Bourguin. Et j'aimerais dans un premier temps, Nicole Ledouarin, qu'on évoque vos recherches qui ont été pionnières en la matière sur l'embryogénèse. Et puis sur les embryons chimériques, comment est-ce que vous êtes arrivé en travaillant sur la biologie du développement du poulet à l'origine à avoir l'envie, l'intuition, le désir d'aller travailler justement sur du chimérisme en embryologie entre le poulet et la caille? Racontez-nous un peu comment ce parcours de recherche s'est installé. Eh bien, écoutez, c'est la chance qui était à la base de cette idée de fabriquer des chimères. Parce que, en réalité, les embryologistes dans le laboratoire du professeur Wolf et même dans d'autres laboratoires au monde qui s'intéressaient au développement des vertébrés, beaucoup d'entre eux travaillaient sur l'embryon de poulet. C'est très facile à comprendre. Il est facile d'obtenir des œufs de poule et d'avoir des œufs qu'on peut mettre en incubation et qui vous permettent d'avoir tous les stades, devant, sous le microscope, vous pouvez les observer, puis vous pouvez aussi intervenir expérimentalement sur l'embryon et poser des questions auxquelles vous allez avoir une réponse vraiment. Donc c'est un matériel vraiment épatant. Et alors, pourquoi faire des chimères ? Eh bien, parce que un jour, nous avons eu au laboratoire d'Étienne Wolff un cadeau de deux cailles. Et alors, une personne qui avait une grande culture qui était destinée à l'alimentation humaine est venue au laboratoire de Monsieur Wolff avec des œufs de caille en disant, écoutez, peut-être que ça vous intéresse, moi j'ai beaucoup d'œufs, je ne peux pas tous les utiliser, je ne veux pas les détruire, je veux vous en donner pour voir si ça vous intéresse, pour faire de la science. Alors, on s'est mis les unes et les autres, les uns et les autres au labo, à ouvrir ces tout petits œufs, à regarder l'embryon, puis on a été très contents de voir que l'embryon était presque aussi gros, pratiquement aussi gros que celui du poulet, bien que l'environnement ait été beaucoup plus restreint, puisque l'œuf de caille est beaucoup plus petit que celui du poulet. Mais en tout état de cause, il était aussi facile d'opérer sur la caille que sur le poulet. Alors, quelques-uns d'entre nous se sont mis à faire quelques manips là-dessus. Et puis moi, j'ai eu une chance en ce sens que j'étais toujours intéressée par la cellule dans son ensemble et particulièrement le noyau, et que j'ai repéré que dans le noyau des cellules de caille, il y avait quelque chose de particulier qui permettait de dire immédiatement, quand on regarde une cellule de caille, une cellule de poulet, l'une à côté de l'autre, colorée de façon à mettre en évidence l'ADN du noyau, qu'il était évident de reconnaître une cellule de caille de poulet parce que, au cours de l'interface, c'est-à-dire entre deux divisions cellulaires, l'ADN du noyau de caille se groupe d'une manière très très nette au contact d'un petit organite qui se trouve dans le noyau qu'on appelle nucléole, qui est fait d'ARN, acide ribonucléique, alors que l'ADN c'est fait d'acide non ribonucléique et des oxyribonucléiques, et la coloration montrait une énorme masse au centre du noyau, une masse d'ADN, qui n'existait dans aucun type de cellule de poulet. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est quelque chose de très intéressant. Parce que si on fait des chimères, c'est-à-dire si on enlève un morceau de poulet qu'on remplace par un morceau de caille, ce qui était possible puisque les deux embryons étaient de la même taille, eh bien on va avoir ce que va devenir exactement les cellules que l'on a implantées. Parce qu'on va les reconnaître jusqu'à la fin des temps de l'animal en question, chimérique, on va les reconnaître des cellules de l'hôte. Et comment on les reconnaît ? Bah, tout simplement en appliquant une méthode spécifique de l'ADN. Donc j'ai vu ça, j'ai publié ça, c'est dans une chose très discrète, et puis je me suis mise à faire des chimères. Et je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est d'étudier, dans le développement, d'ailleurs ça m'intéressait déjà, mais je n'avais pas les moyens vraiment pour le faire, d'étudier les mouvements des cellules. Parce qu'au départ, c'est très simple un embryon. Il y a trois couches de cellules, l'endoderme qui va donner le tube digestif, l'ectoderme qui va donner la peau et le système nerveux, et puis au milieu, des organes, le mésoderme. Oui, les cellules souches, ouais. Alors, je me suis dit, mais tout ça, ça ne reste pas dans cet état-là au cours du développement. Toutes ces cellules qui appartiennent à trois feuillets différents vont avoir leur destin propre et en même temps combiner les uns avec les autres. Donc c'est très compliqué. Comment on fait un œil? Comment on fait un estomac? Comment on fait une colonne vertébrale? Tout ça, c'est des questions que se pose un embryologiste, il me semble, hein. Alors je me suis dit, ben moi je vais être capable de suivre des cellules. Il suffit que j'enlève certaines cellules dont je voudrais savoir le sort chez le poulet et que je les remplace par les mêmes, exactement les mêmes, provenant d'un embryon de caille du même stade. En faire une copie, copier-coller. Et alors quand j'ai fait ça, j'ai regardé ça jour après jour et j'ai vu que mes cellules, eh bien, je pouvais les suivre en effet. Et je me suis dit, quelles sont les cellules qui bougent le plus d'après ce que nous savons aujourd'hui? Eh bien, ce sont des cellules qui sont issues de l'ébauche neurale primitive, qu'on appelle tube neural, à partir duquel se forme la moelle épinière. Ce sont des cellules qui se trouvent à la partie dorsale, qu'on appelle une région qu'on appelle crête neurale, et dont on sait que les cellules vont migrer. On ne sait pas tout à fait exactement ce qu'elles vont devenir. Mais moi, je vais savoir, parce que je vais greffer des cellules de crête neurale de caille dans le poulet, de la région la plus antérieure à la région la plus postérieure, et je vais suivre ça patiemment jusqu'à l'état adulte. Alors, racontez-nous un peu justement vos travaux sur cette crête neurale. Vous avez permis d'identifier justement sa fonction, la répartition, la différenciation de ces différentes cellules. Oui, puis alors, il y avait des tas de choses qui étaient connues quand même. Mais là, j'ai approfondi beaucoup et j'ai montré qu'elle avait un rôle qui était plus important qu'on ne le pensait. En particulier au niveau de la tête. Parce qu'on savait que la crête neurale était à l'origine des ganglions rachidiens. Et puis aussi des ganglions qui se développent dans le tube digestif, des ganglions entériques. On connaissait sa destinée neurale, mais elle a une autre destinée, et notamment chez les vertébrés, et notamment au niveau tout à fait antérieur du système nerveux des vertébrés, au niveau de la future tête. Et là, ce que nous avons montré avec mes collaborateurs, eh bien, c'est que la face tout entière, les os que vous avez là, depuis le milieu, à peu près toute la partie du crâne et la face, c'est d'origine crête neurale. En d'autres termes, vous avez la région antérieure du tube nerveux qui n'est pas seulement capable de donner des dérivés nerveux, mais donne des dérivés mésenchymateux qui deviennent des dérivés squelettiques. Ça a été un choc un peu dans la communauté scientifique parce qu'on avait déjà dit qu'il y avait une contribution de la crête. On ne savait pas exactement précisément laquelle et son ampleur. Mais là, on voyait que toute la tête était d'origine crête, au point de vue du squelette. Alors, ça a eu beaucoup de répercussions parce qu'il y a des gens qui pensent la biologie en termes d'évolution. Et qui se sont dit que, au fond, parmi les vertébrés, il y a un vertébré très primitif qui n'a pratiquement pas de tête. C'est l'amphioxus. C'est un petit ver qu'on trouve au bord de la mer. Et puis, au bout d'un certain temps d'évolution, sont apparus, ceci est montré par la géologie, naturellement, qu'il y a eu développement d'une partie céphalique, une tête, qui est devenue extrêmement volumineuse proportionnellement chez les vertébrés supérieurs, chez les mammifères et chez l'homme. Et par conséquent, si tout cela provient de la crête neurale, on peut dire que l'apparition de la crête neurale a été très importante pour l'évolution des vertébrés et particulièrement importante pour l'évolution du cerveau humain. Ça, c'est ce que nous avons montré dans un deuxième temps par la suite. Par conséquent, cette structure qui était connue, qui avait été décrite, mais superficiellement, eh bien, on s'est rendu compte qu'elle avait une importance extrêmement grande, d'abord dans la fabrication du corps tel que nous le connaissons, mais aussi au point de vue évolutif. Nicole Ledouarin, dans quel contexte éthique travailliez-vous à l'époque? Est-ce que c'était des préoccupations quand vous avez commencé justement à créer ces embryons caille-poulet? Il y a toujours eu des problèmes éthiques, mais moi, nous avions une chance dans le laboratoire d'Étienne Wolff, c'est que, et puis par la suite dans le mien aussi, et tous les gens qui travaillent sur le poulet, c'est que les problèmes éthiques se posent beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus aiguë quand on travaille sur les mammifères. Et les oiseaux n'intéressent un peu moins. Catherine Bourguin, un mot sur l'évolution justement de ces travaux essentiels. On l'entend parce que Nicole Ledouarin vient d'évoquer les répercussions en génétique évolutive, mais il y a eu aussi beaucoup, et on en reparlera, de répercussions notamment dans la compréhension du soi, du non-soi, ce qui amène à beaucoup de travaux et d'applications concrètes, notamment autour de la question des greffes et des xénogreffes. Aujourd'hui, vous pensez que ce type de travaux pourrait avoir lieu en France de la même façon, dans un avec un même aboutissement, ou est-ce que ce serait plus compliqué? Oh bah oui, je pense que la question, enfin ce que vient de dire Nicole Ledouarin sur le fait que les oiseaux questionnent moins que les mammifères, c'est encore totalement d'actualité. Donc je pense que ça serait totalement faisable et c'est fait aujourd'hui. Après, moi je voudrais saluer la grande qualité d'expérimentatrice dont a fait part Madame Ledouarin dans ses travaux, parce que c'est quand même extrêmement fin, c'est extrêmement fastidieux, c'est un travail, voilà, je m'interrogerais plutôt pour savoir si on arrive encore à former aujourd'hui des expérimentateurs d'un tel talent pour pouvoir reproduire ces choses-là. Mais sur le plan éthique, je crois qu'il n'y a pas de souci. Nicole Le Doirin, sur la poursuite de ces travaux en embryologie, j'évoquais notamment la question, l'élargissement à la notion de greffe et de xénogreffe. Oui, ça a été très intéressant parce que les animaux que nous étudions, nous interrompions la vie de ces animaux avant l'éclosion. Mais moi, je me suis dit à un moment donné, ce serait intéressant de voir, parce que ça n'avait jamais été fait vraiment comme il faut, quel est le sort d'une greffe entre espèces après l'éclosion chez l'adulte. Alors on s'est mis à greffer du tube, on a continué à greffer du tube neural comme ça, et on s'est aperçu que les animaux auxquels on avait fait ces greffes, on pouvait reconnaître très bien que c'était des animaux greffés, c'est-à-dire dans lesquels on avait greffé un morceau de tube nerveux, parce que on prenait des poulets de race blanche, et les cailles elles sont pas blanches du tout, elles ont des tas de pigments. De sorte que quand on mettait un morceau de tube neural dans la région dorsale, par exemple, chez un poulet, que le poulet se développait des plumes, ben, il y avait une bande de plumes qui avait une pigmentation qui était la pigmentation de la caille, des plumes de caille. Pourquoi ? Parce que tous les mélanocytes dérivaient de la crête neurale. Tous les cheveux noirs, c'est la crête neurale. Alors, si on laisse l'animal éclore, on va voir si les cellules de caille responsables de la coloration, par exemple des plumes, ou des cellules de caille responsables de la formation d'une partie du système nerveux interne, elles vont survivre ou si elles vont être rejetées comme des xénogreffes. Alors on s'est aperçu, donc on posait une question qui n'avait jamais pu être posée vraiment, c'est est-ce que la théorie qui dit selon laquelle nos organes sont tolérés à l'état adulte provient du fait qu'ils se sont développés en présence de l'organe qui est à l'origine du rejet des greffes, qui est le thymus, et qui produit les globules blancs qui sont responsables de la destruction des organes greffés. Mais comment est-ce que les cellules qui sortent du thymus reconnaissent qu'une cellule qui se trouve par exemple dans votre jambe est à vous? Il faut qu'il y ait un apprentissage de cette chose-là. Reconnaître le soi, c'est quelque chose qui se fait pendant la vie embryonnaire. Donc la question qu'on posait, si c'est vrai que nous ne rejetons pas nos tissus périphériques parce que nos cellules T ont été en contact avec elles, si on met des cellules de caille très jeunes dans un poulet très jeune, elles vont être tolérées exactement comme une cellule de poulet. C'était ça l'idée. Et on a voulu savoir si cette idée était vraiment acceptable après expérimentation. Et on s'est mis à étudier les mécanismes du rejet des greffes. Alors, c'est un peu plus complexe. Ce que nous avons trouvé, on a trouvé qu'en effet, on pouvait obtenir une tolérance des tissus de caille d'une autre espèce, par conséquent, greffés pendant la vie embryonnaire, pendant toute la vie d'un poulet, mais dans certaines conditions seulement. Et le thymus joue toujours un très grand rôle dans ce domaine. Quel est le cadre, Catherine Bourrien, aujourd'hui de l'expérimentation la révision de la loi de bioéthique qui est en cours, donc puisque elle est examinée en ce moment par le Sénat, quelles sont les limites posées par la loi autour de l'expérimentation possible justement sur le chimérisme embryonnaire? Alors, chez l'homme, c'est interdit. La loi dit qu'il est interdit de faire des embryons transgéniques ou chimériques. Et chimérique. Oui, parce qu'on parle de chimérisme depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on peut juste rappeler la différence entre l'hybridation et le chimérisme. Hein. C'est-à-dire que le chimérisme, on peut effectivement rajouter des cellules à l'intérieur d'un embryon. Et je parle sous le contrôle de Nicole Le Doirin. Oui. L'hybridation, c'est quand on commence à mélanger le matériel génétique. à fait. Voilà. Effectivement, la loi actuelle vise à remplacer l'interdiction de création d'embryons chimériques par l'interdiction de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules d'autres espèces. Alors en fait, la raison pour laquelle cette modification est invoquée, c'est parce que ces deux termes seraient trop imprécis. D'abord, transgénique serait imprécis puisqu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils moléculaires dont on dispose, et notamment les outils qu'on qualifie de d'édition du génome, il n'est plus seulement question d'ajouter un petit bout d'ADN d'une autre espèce ou créer exprès dans un embryon pour l'insérer, mais on peut aussi simplement modifier l'ADN en le réécrivant directement. C'est ce que font les outils d'édition du génome. Et donc, il a été jugé que le terme transgénique n'était pas suffisamment précis puisqu'il était, il ne correspondait qu'à une partie de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. De la même façon, le chimérisme, à partir de quand on entre dans la chimère, à partir de quand on ajoute simplement quelques cellules souches humaines dans un embryon animal, versus on a un embryon animal, un embryon humain, pardon, qu'on va compléter par des cellules animales, la distinction entre les deux a été jugée difficile avec le seul terme de chimérisme. Voilà. Donc ça, c'est la raison qui a été mise en avant. Après, en pratique, ce que autorise... alors, on va voir encore ce que va donner la loi, hein, mais ce qu'a autorisé la première lecture à l'Assemblée nationale, c'est de permettre d'autoriser explicitement des modifications génétiques sur les embryons humains, dès lors qu'ils ne sont pas implanté ensuite dans un utérus pour donner naissance à un enfant, et avec comme limite de pouvoir cultiver ces embryons 14 jours. Alors, je crois que la commission sénatoriale propose à titre dérogatoire, parce que là, c'est le Sénat qui est en train de réviser, donc de travailler sur le texte, mais il y a une commission sénatoriale qui a travaillé en amont avant que le Sénat s'en empare, et proposé donc cette commission à titre dérogatoire une autorisation de recherche jusqu'au 21e jour dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l'étude de mécanismes de développement embryonnaire. Exactement. Ça, c'est une modification qui a été proposée récemment, qui n'a pas encore été validée. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, ça, c'est un premier aspect sur la modification génétique. Donc, une autorisation explicite de ces modifications génétiques si l'embryon n'est pas implanté pour la recherche. Et le deuxième aspect, c'est sur les chimères. Effectivement, l'interdiction de produire des embryons humains auxquels on a ajouté des cellules animales. En revanche, l'autorisation explicite, sous certains contrôles, on pourra y revenir, d'implantation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes humaines dans les embryons animaux. Ça, c'est explicitement autorisé dans les textes. Nicole Le Doirin, peut-être un mot là-dessus, parce que pourquoi, pour préciser pour les auditeurs, pourquoi vouloir implanter des cellules souches ou des cellules pluripotentes humaines à l'intérieur d'embryons animaux? C'est dans l'objectif, dans l'idée de pouvoir justement aboutir à des xénogreffes, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte, et on pense notamment chez le porc, hein, pour des raisons de taille et de proximité génétique, mais je parle sous votre contrôle, à la possibilité de développer des organes qui pourraient ensuite être implantés chez l'être humain. Quel est votre regard là-dessus, Nicole Le Doirin? Ben écoutez, moi je pense que si ça peut donner des résultats, je vois pas d'inconvénient à ça. Alors c'est pas simple quand même, parce que quand on a un organe implanté, il est vascularisé par des cellules vasculaires de l'hôte. C'est assez compliqué, mais et puis d'autre part, il faut quand même qu'il soit toléré aussi, parce que tout cela, c'est le problème. Les tissus de porc sont du point de vue de leur taille et aussi de leur fonctionnement, sont assez facilement compatibles avec l'humain. C'est pas le cas pour des tas d'autres animaux. Alors, et puis comme le porc est élevé très facilement, ça serait très intéressant de pouvoir, par exemple, préparer des greffons chez le porc et pouvoir les transplanter chez l'homme. Parce que le grand problème de la chirurgie pour de remplacement d'organes, c'est qu'on manque d'organes. Mmh. Alors, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Moi, je crois que c'est intéressant. Mais je ne suis pas sûr que ça va déboucher rapidement sur quelque chose de tout à fait viable. Et puis ça pose, Catherine Bourguin, le problème que vous évoquiez, qui est évidemment inclus dans ces lois de révision de la bioéthique, du bien-être animal. Jusqu'où peut-on objectifier un animal pour en faire bien un réservoir à organes humains, si tant est qu'évidemment la compatibilité soit absolument sûre et qu'il n'y ait pas de risque de transmission d'agents pathogènes, quels qu'ils soient d'ailleurs, génétiques ou viraux ou bactériologiques d'une espèce à l'autre, faire d'un porc une usine à organes, ça pose là aujourd'hui des questions de bien-être animal qui ne se posaient effectivement peut-être pas il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Oui, puis je pense que c'est vraiment important de, avant d'envisager ces franchissements de barrières, parce que quand même là on parle de produire des organes humains chez des animaux, donc on parle anthropologiquement de questions qui sont effectivement très sensibles, hein, au-delà de la question du bien-être qui est une vraie question. Et notamment, ce qu'ont bien montré les travaux de Madame Le Doirin, c'est à quel point les cellules sont mobiles et à quel point ce qu'on connaît précisément de l'embryologie aujourd'hui est susceptible d'être remis en cause demain, et donc dans quelle mesure ces organes qu'on pourrait éventuellement faire produire chez des animaux correspondront exactement à ce qu'on pense qu'il est en train de se passer, et jusqu'au détail le plus moléculaire, hein, parce qu'il y a notamment des virus ADN spécifiques du porc qui sont tout à fait susceptibles de migrer de façon compliquée à mettre en évidence. Quelle forme d'expérimentation on est en train d'essayer de mettre en place, qu'est-ce que ça requiert comme engagement, hein, et effectivement, qu'est-ce que ça transforme dans notre rapport aux animaux, de le transformer en usine à organes. Donc moi, personnellement, je suis très sceptique sur la pertinence d'engager vraiment des recherches pour aller jusqu'à la production d'organes. Hein. Encore une fois, c'est pas la même chose de faire des recherches ponctuelles dans des laboratoires pour comprendre le vivant et de transformer de façon potentiellement industrielle la production d'organes dans les animaux. Love is all I am upon, is all I am. I'm so new compared to you, and I am very small. Little more room. Waiting here seems like years. Never seen the light of day. Embryo de Pink Floyd sur France Culture, puisqu'il est question bien d'embryons. Notamment, nous parlons des limites du vivant aujourd'hui tout au long de cette heure en compagnie de Nicole Le Doirin qui est avec nous, professeur honoraire au Collège de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences qui a largement travaillé sur le chimérisme en embryologie, en biologie du développement. Nous en parlons également avec Catherine Bourguin, chercheuse en génétique humaine, en sociologie des sciences, directrice du Centre de recherche médecine, sciences, santé et société à l'EHESS et membre du comité d'éthique de l'INSERM. On discutait pendant la musique. C'est peut-être intéressant de le préciser, Catherine Bourguin, puisque si nous parlons de cela, c'est parce que c'est la nuit des idées dont le thème est être vivant, mais aussi parce que la loi de révision de la bioéthique est en lecture en ce moment et jusqu'à la semaine prochaine au Sénat. Vous disiez que les sénateurs sont revenus un petit peu en arrière, notamment sur la question de la recherche et du chimérisme en embryologie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont introduit l'interdiction de donner naissance à des animaux qui auraient été chimérisés à partir de cellules souches humaines. C'est-à-dire qu'on peut les implanter, on peut aller jusqu'à un certain stade du développement, mais il ne faut pas que ces animaux soient viables. En tout cas, voilà, c'est ça. Il ne faut pas leur donner la vie, sachant que donc c'est un vrai débat puisque le gouvernement a réintroduit un amendement pour revenir à la position de départ qui était ne pas interdire la naissance de ces animaux chimériques. D'autant que récemment, on en a parlé dans l'actualité, on l'évoquait au début de cette émission, il y a des chercheurs, je crois que c'est au Japon, qui ont donné naissance à ces chimères cochons. Cochon singe, tout à fait. Et que, par ailleurs, le 24 juillet dernier, le gouvernement japonais a approuvé le projet de recherche du généticien Hiromitsu Nakauchi, qui vise à créer des chimères homme-animal pour les implanter dans l'utérus d'animaux de laboratoire, avec toujours l'objectif de développer des xénogreffes, hein, ce dont on parlait juste avant la pause musicale. Ce qui m'amène à cette question que je vais vous soumettre à toutes les deux. On a aussi beaucoup entendu au micro de cette émission des chercheurs et des chercheuses en génétique ou en épigénétique disant que les cadres de recherche en France étaient trop étroits et que beaucoup de jeunes chercheuses ou de jeunes chercheurs dans ces domaines de biologie du développement partaient s'installer à l'étranger dans des pays où les législations et les lois de bioéthique étaient plus souples. C'est une voie, c'est une porte étroite, pour paraphraser André Gide, que cette porte entre la liberté des chercheurs, le cadre réglementaire et évidemment bien l'éthique qui préside à ces décisions et à ces législations. Comment est-ce qu'on peut appréhender cela, Catherine Bourguin? Il faut quand même rappeler que la recherche est une activité humaine et que il existe des lois, des règlements, des constitutions qui encadrent cette activité comme n'importe quelle activité humaine. La deuxième caractéristique de la recherche, et je pense qu'encore une fois le parcours de Madame Leloirin nous l'a bien montré, c'est la capacité de créativité, d'inventivité, de questionnement, d'émerveillement des personnes qui sont chercheuses et chercheurs. Et de mon point de vue, il est tout à fait possible d'encadrer la recherche en mettant des limites, parce que quand on pose une limite à un endroit, ça ne veut pas dire qu'on n'ouvre pas une porte ailleurs. C'est un peu général comme point de vue, mais en l'occurrence en France, l'interdiction de faire des recherches sur l'embryon qui a longtemps prévalu, même si ensuite elle a évolué en des autorisations contrôlées, a conduit nombre de collègues à s'intéresser à d'autres formes, et notamment aux cellules souches pluripotentes, et donc à développer des formes de savoir qui était fécond, hein, mais qui respectait les interdictions éthiques. Donc, Il y a aussi beaucoup de personnes de facto qui sont parties. Il y a des gens qui sont partis, mais il y a des gens qui sont restés et qui ont fait autre chose. Donc la question de savoir qu'est-ce qu'on produit comme recherche, la recherche est une activité extraordinairement diverse. Et quand on ne cherche pas dans un endroit, on peut chercher dans un autre. On le voit bien en fonction des financements qui sont donnés, parce qu'on parle de cadre réglementaire, mais on pourrait aussi parler de financement. Quand on finance beaucoup un domaine de recherche, il est très productif. Quand on ne le finance pas, il est moins productif parce qu'effectivement, il y a moins de gens qui réfléchissent et qui créent. C'est la même façon sur l'encadrement légal. Donc, juste pour terminer et pour dire que c'est important pour une société de se sentir légitime à décider quelles sont les choses importantes qu'elle juge possibles et celles qu'elle juge non possibles. Nicole Ledouard, votre opinion à ce sujet, quelle est la marge de manœuvre pour... Moi, je pense qu'en France, c'est évident d'ailleurs, les règles éthiques sont beaucoup plus strictes que dans d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons. Un des exemples les plus nets, c'est de comparer ce qui est permis chez nous et ce qui est permis en Angleterre. En Angleterre, ils ont beaucoup plus d'audace que nous n'en avons. Alors, moi, je suis contente d'être en France. Pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Parce que je crois que, vous savez, il faut mettre des limites. Je me suis jamais plainte de ça, vraiment. Il faut quand même avoir un petit peu de soucis éthiques. Quel est, selon vous, Nicole Ledouarin, dans ce domaine-là, hein, dans le domaine de la biologie du développement, de la recherche en embryologie, quelle est la limite, effectivement, comme le rappelait Catherine Bourguin, la recherche sur des embryons humains a longtemps été interdite. Aujourd'hui, elle est très, très encadrée. Est-ce que vous pensez qu'on peut assouplir ce cadre? Faire de la recherche, c'est bien, mais vouloir modifier d'une manière permanente l'embryon humain, c'est une autre histoire. Et la limite entre les deux démarches, scientifiquement, elle est très, très, très ténue. Par conséquent, Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ne peut pas, par exemple, manipuler un embryon humain, puis après l'implanter, puis obtenir un enfant. Enfin, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment contrôler sérieusement. Hein. À ce propos, Catherine Bourguin, c'est intéressant. Et l'exemple de ces deux jumelles chinoises dont le génome a été modifié à un stade très, très précoce hein, pour les rendre résistantes au VIH, alors avec beaucoup de questions. Tout cela a été fait, comme souvent, dans des cadres légaux extrêmement discutable. Ce chercheur a été condamné en Chine. Et ça me rappelle finalement ce que l'on a redouté à un moment donné après Dolly sur la question du clonage. Et on s'est dit, mon Dieu, il va forcément y avoir quelqu'un et un médecin fou qui va cloner un jour des embryons humains. Or, ça n'a jamais été le cas que l'on sache. Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de ce que j'appelle le syndrome de la sorcière du placard au balai, c'est-à-dire qu'on crie, on crie, on crie, et finalement ça n'arrive jamais parce que il y a une certaine forme d'autorégulation, il y a aussi des limites dans la technicité de la manipulation du vivant qui fait que finalement ces limites ou ce spectre d'arriver à de la monstruosité ou du chimérisme insupportable éthiquement n'arrive en fait jamais. D'abord, il faut bien voir que ce chercheur chinois n'était pas isolé non plus, hein, parce qu'il a fait toute une partie de ses études aux États-Unis et que son projet a bénéficié du soutien financier et du soutien moral d'un certain nombre de collègues qui travaillaient aux États-Unis, hein, en Chine également, mais également aux États-Unis. Donc c'est pas non plus. Il a été condamné très très largement a posteriori. Hein. A posteriori, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que ce monsieur n'avait pas. Il était très content de ce qu'il avait fait, très fier de ce qu'il avait fait, et la réaction négative est venue un certain temps après que ce soit devenu public. Oui, il a même été invité à parler au sommet international. Absolument, sur la vision du génome. Alors, du point de vue de l'atmosphère en Chine, c'était très permissif. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient absolument. Ils avaient déjà fait des choses assez discutables. Et puis voilà que tout d'un coup, à cause de la réaction au niveau international, et plusieurs, je sais pas, moi peut-être, après que les petites filles soient nées, le monsieur s'est retrouvé en prison. Il n'y a qu'en Chine qu'on voit ça. Catherine Bourguin. Oui, mais alors du coup, donc cette question du réseau hein, qui a entouré ce chercheur et du fait que ce type de pratique finalement était jugé acceptable par une partie des chercheurs en poste dans des grandes universités américaines montre bien que que d'abord techniquement bidouiller l'ADN en embryon. C'est possible maintenant, on sait le faire. Après, est-ce qu'on maîtrise ce qu'on fait ? C'est autre chose. C'est pas parce qu'il y a des questions d'off-target qui sont encore en suspens. Mais il y a énormément de questions qui sont en suspens. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est modifier génétiquement un embryon sans savoir ce qu'on fait et l'implanter, on sait faire maintenant, voilà, chez l'humain. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est contrôler la modification génétique qu'on a réellement introduite dans cet embryon. Or, cette question est fondamentale. Hein. Mais donc, l'enjeu ici, c'est la réaction très forte et la répétition de l'interdiction formelle. Et on revient au moratoire, on revient à ces questions d'interdiction formelle, parce que là, on voit que la norme éthique a un effet sur les chercheurs et les chercheuses, et que lorsqu'il y a vraiment une condamnation ferme, et que c'est moralement inacceptable, ça a un effet, comme vous l'avez dit sur le clonage, qui peut être tout à fait dissuasif. Mmh. Voilà. Mais pour même moi, sans contexte coercitif légal. Hein. Alors il faut un contexte coercitif légal, ça c'est extrêmement important. Mais on voit bien aussi que la réaction internationale a poussé des acteurs qui s'étaient engagés plutôt en faveur de « on pourrait peut-être assouplir » à revenir sur des positions plus fermes. On rappelle que pour le moment, les États-Unis n'ont toujours pas légiféré sur cette question, ainsi que un certain nombre d'autres pays dans le monde. Nicole Ledouin, vous vouliez réagir ? Oui, je pense que c'est très important d'empêcher les modifications du génome humain et de laisser se développer des enfants qui résultent de ça. Parce que on aboutira à la modification du génome d'une manière qui risque de ne pas avoir de limites. Mais ça, c'est pour un cas qui peut paraître, en tout cas, dans ce studio ou avec un peu de bon sens, faire consensus, c'est-à-dire se dire, évidemment, ne pas aller faire d'édition génétique sur des embryons humains pour ensuite donner vie à des bébés dont on ne sait pas effectivement quelle sera la répercussion exacte. Mais sur des cas plus complexes, ou en tout cas dans des zones plus grises, qui sont celles, effectivement, de la recherche en embryologie, comme on l'évoquait avant la pause musicale tout à l'heure, le fait que la commission sénatoriale propose, à titre dérogatoire, une autorisation de recherche jusqu'au 21e jour, quelle est la limite ? Est-ce que dans ce domaine-là, la France a été trop conservatrice. On sait qu'aujourd'hui, le gouvernement pousse à libéraliser un peu ces pratiques-là. On sait que, par ailleurs, dans d'autres pays, il y a beaucoup de laboratoires privés qui ne sont pas soumis à des cadres éthiques stricts et qui commencent à proposer, on peut dire, un peu de modification génétique ou en tout cas de la sélection génétique. Quel est le cadre à mettre et jusqu'où distinguer finalement ce qui peut dériver vers de l'utilisation marchande et de l'autre côté de la recherche fondamentale indispensable? Alors moi, je pense que là, il y a vraiment la question qu'a posée le Comité national éthique quand il a lancé les états généraux de la bioéthique, qui était « Dans quel monde souhaitons-nous vivre demain ?» Alors, c'est une question très générale, mais qui, pour moi, est au cœur de la question que vous venez de poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut continuer à optimiser toujours plus les pratiques de fécondation in vitro pour éventuellement aller dans un monde où tous les bébés seraient produits comme ça parce qu'on pourrait vérifier qu'ils ont bien les bons gènes, le cas échéant peut-être les modifier, etc. C'est la question du diagnostic préimplantatoire. Sans les modifier, c'est la question du diagnostic préimplantatoire qui a été étendu par les sénateurs. Exactement, mais qui est tout à fait liée parce que une des motivations qui pousse à faciliter la recherche sur l'embryon aujourd'hui en France, c'est pour améliorer les techniques de fécondation in vitro, puisque la fécondation in vitro est une technologie qui marche en fait assez mal. Hein. Il y a à peu près 20% maximum des embryons qu'on arrive à réimplanter, et donc on ne sait pas pourquoi, ça nous échappe. Et donc l'enjeu de ces recherches, qui est mis en avant, c'est améliorer la fécondation in vitro. Voilà. Donc, autoriser ce type de recherche, mais ça, Madame Le Doirin l'a dit, c'est rendre possible toute une série de savoir-faire, de technologies, de modification de l'embryon. Peut-être pour de la recherche, mais une fois que ça sera disponible, la question de l'implantation de ces embryons ne manquera pas de se poser. C'est pas pour dire qu'on l'autorisera, mais en tout cas, l'enjeu, la question fondamentale, c'est est-ce que c'est dans ce type de recherche, encore une fois, qu'on a envie d'investir en France, et est-ce qu'on a, posant des cadres d'interdiction éthique, pour se protéger d'éventuels usages à venir, on ne permet pas à d'autres formes de recherche de se développer et de proposer d'autres formes de prise en charge autour de la naissance des enfants. Ce que vous dites pour conclure, parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, c'est que effectivement tout cela peut déboucher in fine à une forme, j'ose le mot, vous me corrigez si vous pensez que je vais trop loin, mais enfin à une forme d'eugénisme, en tout cas de travail sur le génome des embryons pour sélectionner qui la couleur des cheveux, qui la taille, qui le quotient intellectuel pour le pire. Mais ces travaux en embryologie, ils n'ont pas pour finalité seule d'aboutir à une amélioration de la FIV. C'est aussi des travaux en recherche de biologie du développement. On sait que, comme Nicole Le Doirin le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans ce qui fait, dans l'épigénétique notamment, qui est aujourd'hui quelque chose qui permet de comprendre pourquoi, avec ce même matériel génétique, une cellule va devenir une cellule d'œil ou une cellule de peau. Donc il y a tout de même une recherche fondamentale qui est nécessaire à faire et à continuer de faire, d'autant qu'on commence de plus en plus à comprendre ces mécaniques épigénétiques. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment chez l'humain qu'il faut faire ces recherches? Est-ce que les travaux de Madame Le Doirin sur l'accueil et le poulet n'ont pas permis d'avoir un niveau de connaissance suffisant, enfin en tout cas suffisant, jamais suffisant, mais en tout cas de qualité suffisamment pertinente pour comprendre toute une série de choses chez les vertébrés qu'on ne connaissait pas, donc à croître de façon tout à fait notable et à répondre à notre besoin de savoir? Et est-ce que c'est la balance bénéfice-risque? Qu'est-ce qu'on va gagner en savoir? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? La question fondamentale, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'alternative de faire ce type de recherche, de répondre à ces questions autrement? Je vais laisser la conclusion à Nicole Le Doirin. Les limites du vivant, les limites de la recherche, quelles sont? La recherche scientifique, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose d'indispensable pour l'espèce humaine, mais c'est quelque chose qui doit être maintenu dans des limites raisonnables. Et surtout, il est bon que le public dans son ensemble soit au courant des problèmes et donne son avis. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit restreint au milieu scientifique, mais que tout le monde a droit d'avoir une opinion et l'opinion de tout le monde doit être prise en compte. Nous espérons qu'avec cet entretien et cette heure passionnante, nous aurons contribué à éclairer le public sur ces questions et à s'interroger sur ces limites du vivant. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Catherine Bourguin. Merci Nicole Le Doirin. On peut vous lire, on va mettre sur notre fil Twitter plusieurs de vos ouvrages. Le dernier en date, c'est Les secrets de la vie au CNRS édition. Je vous rappelle que La Nuit des idées, c'est une journée spéciale de programme sur France Culture autour de cette question être vivant. Là aussi, on vous met un lien pour, et bien sur le fil Twitter. Twitter, @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Céline Lezenne, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Demain, direction les Vosges, nous prendrons la route du Festival International du Film Fantastique de Gérard May pour nous poser cette question. Mais quelle est donc cette terrible malédiction qui plane depuis si longtemps sur le cinéma de science-fiction français? Rendez-vous demain en public et en direct du Festival de Gérard May à 16h jusqu'à preuve du contraire.